patienter. Il y a trop de déchets. Sont les meilleures équipes. Et si Diaberlusten Mannschaft, die Master, die Besten, les meilleures équipes, the champions, die Master. Bonsoir, très chers auditeurs, vous êtes bien en direct de Radio Galère. Bienvenue dans le quatrième numéro de Débattons dans Guirou, qui, comme sa grande sœur Débattons dans les roues, est consacré au débat et à la recherche de vérité, mais cette fois centré sur le football. Ici Manuel Amor. Ici Brett Sinclair. Ce soir, nous sommes réunis à l'occasion du match comptant pour l'Euro 2012, qui oppose en ce moment même l'équipe de Russie à l'équipe de Pologne. Pour nous accompagner ce soir, notre dispositif de classe. Le docteur Le Mann, ancien chorégraphe reconverti dans la géopolitique du football en duplex de Tirana à Albanie. Dimitri Bortnikov, bonsoir. Bonsoir. Notre prestigieux invité, écrivain, actuellement en résidence avec Peuple et Culture Marseille. Samuel Daniel San Rochery, notre prestigieux invité également, poète essayiste, ceinture noire de karaté. Et en direct du stade bonsoir. National de Varsovie, bonsoir Samuel, pardon, nos deux consultants de choc, le shérif Bradley Morel, spécialiste, et Abdelkarim Jigouima, dit l'homme au crochet magique. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes en direct du stade national de Varsovie où se déroule actuellement un match des plus enthousiasmants. Et on se languit que vous reveniez à notre antenne pour suivre ce match. A tout de suite. Eh bien, on vous laisse la parole, shérif Magic, pour nous commenter un petit peu ce qui se passe, nous dire ce qui s'est passé dans cette première mi-temps et nous donner un peu votre analyse de ce match. Eh bien, écoutez, ici, on est bien. On est bien, les sièges sont bien, les tablettes sont bien, la tribune de presse est bien, les stadiers sont bien, les stadières sont bien. On a bien, bien mangé. On a vu une bien, bien première mi-temps. Et bon, moi, de mon côté, je dois dire que j'ai quand même été quand même marqué par... par les Russes, mais je vais laisser mon cher Magic prendre la parole. Oui, alors écoutez, en termes footballistiques et techniques, c'est très clair. On a une équipe de Russie qui maîtrise parfaitement la situation en termes technico-tactiques, c'est-à-dire qu'elle joue super bien sur tous les coups. Et on a en face une équipe de Pologne qui essaye de faire son maximum, mais qui est chez elle au stade national de Varsovie et qui a réussi à égaliser après l'ouverture du score de la Russie par Dzagoev, son troisième but et meilleur buteur donc dans cette compétition. La Pologne a fini par égaliser un superbe but, un tir de l'extérieur de la surface par l'imprononçable Blachikovski, un superbe but et qui relance la Pologne dans ce match très, très, très agréable à voir. En tout cas, on est bien, hein, les sièges sont bien, les tablettes sont bien, la tribune de presse est bien. Et moi, je dois bien, bien, bien avouer que j'ai quand même été marqué par cette charnière centrale russe Dostoïevski, Tolstoï, qui m'a vraiment, vraiment bien, bien marqué. Et puis Tarkovski au milieu de terrain qui dirige tout ça d'une main de maître. Voilà, on attend la rentrée de Mayakovski. Enfin, j'espère personnellement. Je sais que Magic n'est pas forcément d'accord avec moi, mais bon, voilà. Il était blessé, non ? Il était blessé. Enfin, disons que, ouais, ça, je crois que les relations avec l'entraîneur sont assez compliquées. Mais bon. Taper voilà. Dessus encore. Voilà. Et l'entraîneur, c'est Staline. Comment ? L'entraîneur, c'est Staline. Disons que c'est pas très très clair sur la feuille de match qu'on a reçue. On avait écrit Léon Trotsky, puis ça a été barré. Et donc on vous donnera. On va se renseigner d'ici la fin du match. Trotsky entraîne maintenant le Mexique, je crois. Non, c'est oui. Ça. on le dit. Alors merci, cher duo. On va Brett tout de suite enchaîner et éventuellement présenter notre premier invité prestigieux. Alors, on va tout de suite présenter notre premier prestigieux invité, donc Samuel Rochery. Bonsoir. Bonsoir, Julien. Donc, vous êtes poète, essayiste et traducteur. Tout ça, oui. Vous avez publié différentes revues, dans différentes revues et plusieurs livres, dont Oxbow P chez Eric Pesty, éditeur. Mm-hmm. Et vos deux derniers sont Odo Studio Maïda Valley, c'est ça ? Medavel. Bon, ouais. Autant pour moi. Non, et Tuba Posti aux éditions du Cartanier. Ouais. Vous animez aussi deux blogs, Poésie Face B et Les Cahiers de Benji. Mmh. Et vous avez récemment traduit Les Sons Inimitables de l'Amour, un plan à trois en quatre actes, une pièce de Jeanne Robinson. Ouais. Tout est exact, Daniel San. Parfait. Alors, vous alimentez aujourd'hui notre rubrique Le Petit Précis du Sport avec un texte non édité encore, ouais, que vous allez nous livrer tout de suite. Nous vous écoutons. Voilà, je l'ai écrit pour l'occasion. Et le sujet, donc, c'est le football. Et je me suis dit que j'allais prendre ce sujet-là un petit peu de biais, étant donné que je ne suis pas pratiquant de football moi-même, contrairement à vous tous ici. Vous l'avez pratiqué, on vous a vu une fois. Ouais, une petite fois. Bon. Donc, le texte a pour titre « Mon Clovac ». Comment être spectateur du ballon rond ? Je vais combiner deux discours super brefs et pas si faciles, piochés ici et là sur le football. Le premier concerne la mystique de Bob Marley. Le deuxième concerne celui de la connerie appelé Roger Poupard. Matériellement parlant, les deux discours évoqués sont retrouvables dans les journaux et au cinéma. Bob Marley ayant déclaré lors d'une entrevue accordée en 1979 « Le football est une aptitude à part entière. J'aime le football parce qu'il faut être doué. Le football, c'est la liberté. » On va y revenir. Roger Poupard, quant à lui, est l'incarnation du con ultime à travers l'acteur Jean-Pierre Mariel dans le film de Joël Seria « Comme la lune, 1976 ». Ce même con qui manque de bousiller son poste de radio quand le joueur qu'il adule, Clovac, rate un tir à 5 mètres tout seul et sans l'ombre d'un mur, sans l'ombre d'une chaussure adverse, mais qui donne à sa femme une explication imparable à l'échec. Ce mec-là dans son bled, il bouffait des racines, ici c'est champagne et compagnie, alors comment veux-tu qu'il joue au foot ? Je précise d'emblée que la connerie, pour spectaculaire qu'elle soit, dans n'importe quelle bouche, est d'autant plus un gage de sérénité, paradoxale ou incongrue, sur la question qu'elle traite, qu'elle marie l'art d'être con à une spontanéité en matière de conneries, c'est-à-dire du calcul et de la fraîcheur, sans qu'on puisse vraiment distinguer l'un de l'autre. D'où le doute intéressant de Jean-Pierre Mariel dans un autre film, Pétrole, Pétrole, de Christian Gion, 1981, à propos d'un type qui s'apprête à balancer un pot de peinture sur son pare-brise. Il est con ou il fait semblant ? Donc je reprends. Un alliage d'artifice, de clownerie d'apparence calculée et de spontanéité indémêlable qui fera que, dans le cas qui nous occupe, la connerie, c'est carrément du bonbon cinématographique. Pour faire simple, la connerie intéresse si c'est un personnage de fiction qui l'incarne. Et en matière de foot, tout spectateur est au mieux un personnage de fiction. Bob Marley est non moins un personnage de fiction, si on veut. Non pas qu'il n'ait jamais joué au football ou qu'il n'ait fait que rêver la liberté dont il parle, loin de là. Mais Bob Marley est au football ce que Roger Poupard est à la connerie, son agent publicitaire transversal démesuré. Un personnage, une incarnation. Une incarnation transversale du sport. Le football, en tant que sport, ne l'intéresse pas, mais le football, en tant que technique de la liberté. En tant qu'il construit de lui-même, autotéliquement, l'espace de liberté dont le joueur se rend compte alors seulement qu'il a besoin en pratiquant. Le footballeur mystique ne dira qu'il est libre que pour autant qu'il joue. Cesse-t-il de jouer, cesse-t-il d'être doué en acte pour le football, il n'a plus rien à voir avec lui-même, il sort du terrain comme il se retire à lui-même sa propre liberté. Le discours de Bob a l'air de rien, il est aussi simple que la connerie de Roger est compliquée. Je recite quand même, le football est une aptitude à part entière. Entendez, aucune autre activité ne montre que j'ai en puissance virtuellement une aptitude pour le ballon. Rien d'autre que le foot ne me donnera des signes que je peux être Zidane. Et la phrase de Jimi Hendrix, « Je suis libre parce que je cours toujours », n'est infidèle à la vision de Bob Marley, pour qui courir ne fournit pas une raison suffisante de croire qu'on est fait pour le gazon, quand ce qu'elle oublie de préciser que Jimmy parle de courir sur un stade de foot. La phrase d'Hendrix est belle. Elle contacte tout le monde, mais au sens technique, c'est de ballon qu'elle parle. Pas de musique, pas de course à pied, mais pas de fuite au galop, pas d'évasion, mais de ballon. C'est du moins une hypothèse. L'articulation de la technique à la liberté peut sembler fortuite, autant que peut être fortuit un cri du cœur quand je me découvre dans le miroir de la penderie, affublé frénétiquement d'une robe de chambre violette de marque Ramona, dont je ne peux m'empêcher de dire avec Roger qu'elle éclabousse ou que sa mitraille sec. En fait, Bob Marley est l'anti-spectateur par excellence. À croire, et je pense vraiment qu'il voulait en venir à ça, que le football n'existe pas pour vous si vous ne pratiquez pas ce sport. Il n'existe pas. Et vous n'êtes pas vraiment libre d'en parler. Le spectateur vit une espèce de liberté par procuration, dont celle d'exulter ou de pester, dans le meilleur des cas. L'auditeur Roger Poupart, son poste aux piles déclinantes collées à l'oreille droite, commentant moins à sa femme le match sur l'oreiller qu'il ne cherche à repousser le moment où sa femme lui parlera de quelque chose, n'existe pas en tant qu'amateur de football. Et il est tout sauf libre dans ses commentaires racistes sur Clovac. Mais en parallèle, il n'y a que Poupart qui trouve la vérité cachée dans la robe de chambre offerte par sa maîtresse. Ça éclabousse. Et on y croit. On est dedans, comme on dit. C'est tout l'art du cinéaste sans lequel on ne verrait que le kitsch pénible de la France profonde des années 70. L'art cinématographique est, en ce sens, le bonheur de l'information télévisée. Il faudrait un art de rendre les gens intimement acteurs, tout en les laissant à leur place d'éponge de l'info. Et alors, Bob Marley pourrait dire que même le non-pratiquant sait ce que jouer au football veut dire. Jean-Michel Larquet et Thierry Roland sont-ils des auteurs ? Sont-ils des artistes capables de nous greffer à distance les jambes d'un Ronaldo, la sensation de liberté qui appartient à Bob ? Ce sont des questions pendantes. Je veux dire, je suis moi-même devant un poste de télé ou accroché à l'autoradio quand Clovac rate son tir. Et je ne sais pas ce que c'est que le football. En attendant, mon Clovac, le gars invisible sorti d'un commentaire de radio improvisé sur le lit conjugal dans un film de Serie A, tu es autant le footballeur qui me botte le plus, toute ligue confondue, que les Whalers, un improbable Jimmy dans les caisses, forment à mes oreilles musicales la meilleure équipe de tous les temps. Merci Samuel. Merci beaucoup. Et avant de repartir au stade, vous pouvez peut-être enchaîner par nous dire un petit peu ce que vous pensez de ce match Pologne-Russie que vous regardez avec nous. Pronostic oui, peut-être. Vous n'avez pas regardé pendant l'école, j'imagine. Mais... Non, j'ai regardé un petit peu avant de venir. J'ai vu, en fait, pour tout dire, j'ai vu que le premier but. J'ai pas vu l'égalisation. Donc je ne sais pas du tout. Votre cœur penche peut-être pour l'une des deux équipes. Pour Dostoïevski, oui. Pour Dostoïevski, ouais, définitivement. Brett, on va repartir au stade alors un petit peu, voir ce que nos amis vont nous dire sur cette deuxième mi-temps. Magic. Oui, écoutez, là, toujours 1-1 dans ce match assez passionnant, il faut le dire. Le cœur est polonais. Le cœur, on ne s'en doutera pas, le cœur est polonais. L'équipe de Russie est en train de dérailler complètement. Elle a perdu son jeu face à cette équipe ce soir en blanc. On ne reconnaît plus la technique russe qui avait fait merveille en première mi-temps. Et là, ce sont les Polonais qui encore sont à l'attaque avec Wasilewski qui passe par derrière. Boniche qui dribble. Boniche qui repasse par derrière. Mourazovski qui perd le ballon. Mais attention, récupération par les Russes. Zirianov qui attaque sur le côté droit. Mais est impossible de... Cette équipe défend super bien de la Pologne. Et on sent là une victoire se poindre pour l'équipe de Pologne. Pour l'instant, alors que la Russie avait très bien entamé son match. Ici, on est vraiment bien. Les sièges sont bien, Magic. Moi, je trouve qu'on est vraiment, vraiment bien ici. Enfin, la tribune de presse est vraiment bien. Juste pour vous dire que il s'est passé ce qui devait se passer, à savoir que finalement, l'entraîneur dont on préfère taire le nom, on ne sait jamais, il peut y avoir des purges, a fait rentrer Mayakovski. Et puis, concernant le meneur de jeu russe, à savoir Tarkovski, il vraiment sur tous les fronts, c'est un vrai sacrifice de Tarkovski ici. Magic, oui, un dernier mot peut-être. Est-ce que la tendance, vous nous l'avez dit, c'est la Pologne qui pour l'instant semble mener. Les Russes vous semblent au fond du trou. Les Russes commencent à déjouer complètement. Ils sont en train de mettre le pied sur le ballon. et ils commencent à jouer un peu dur et ça ne leur ressemble pas et je doute fort qu'ils sortent de ce match avec ce point du match nul. Bon, c'est pas très embêtant dans la compétition dans la mesure où ils ont déjà gagné leur premier match. Ils jouent contre l'équipe qui reçoit ici au stade national de Varsovie, l'équipe nationale de Pologne, et s'ils s'en sortent en conservant ce match nul, eh bien je peux vous dire qu'ils seront assez satisfaits. Dit advocate, pour pas le citer, l'entraîneur donc russe ne sait plus trop quoi faire. Dimitri Bordnikov, on vous a pas encore interrogé sur le match. Non, mais je pense que la Pologne sera pas partagée. Même si l'équipe, une fois n'est pas coutume, mais je pense que les Russes, ils vont s'incliner devant les Varsovie. Je pense que Staline, il va reculer ses chars et Kutuzov, puis il va ouvrir son œil borgne, et nous on verra en fait avec nos deux yeux deux côtés de médaille, ce qui est rare. Donc vous voyez la Russie perdre. Moi, je vois perdre, mais les Russes, c'est des bons perdants. Mais en tout cas, on voulait vous remercier d'être avec nous. On va maintenant vous présenter, vous, en tant qu'auteur et comme invité prestigieux de Débattons d'Anguirou, notre émission. Vous êtes écrivain russe, né à Samara, en 68. Ah oui. Vous résidez à Paris. Sexuelle en France, comme disent les Russes. Vous résidez à Paris depuis 1999 et vous avez écrit 3 livres en russe, dont 2 ont été traduits en français. Tout à fait. Et 2 livres en français, Furioso et Repas de mort, l'année dernière chez Alia. Bien. Donc, vous avez beaucoup insisté pour participer à des bâtons d'Anguirou. Je voulais être le plus grand bâton. Hein. Chaque bâton a 2 bouts. Donc on a fini par céder quand même, sous la pression. Et donc pour notre rubrique intitulée Littérature et football, vous nous donnez un extrait de votre travail en cours. Oui. Ou plusieurs extraits peut-être. Un extrait. Non, un extrait, mais extrait. Assez, comme ça, assez conséquent. Donc une traduction d'une lettre de Ivan le Terrible adressée à Elisabeth II. Elisabeth Ier. Elisabeth Ier. Première, oui. Décidément. Attention, il n'y avait pas de deuxième. Donc mon extrait, ça va être 7 doigts sur la page. D'accord. On va, les auditeurs ne le voient pas, mais nous, on le voit. on les voit bien. 5 saucisses de Strasbourg. 5 saucisses de Strasbourg sur la page. Donc on peut quand même dire que ce recueil devrait sortir, va sortir. Oui, va sortir chez Alia, mois de septembre, le début d'octobre. D'accord. Donc on va vous écouter et on discutera éventuellement après. Pour ne pas trop m'éloigner de stade de foot, entre Ivan Terrible, que je veux déterribiliser un petit peu, parce que c'est pas la bonne traduction, c'était pas Ivan le Terrible, c'était Ivan Grozny, ça veut dire Ivan le Sévère, ce qui est pas la même chose. Mais il était terribilisé par le fait qu'il était un peu, je dirais, un mauvais perdant, d'accord. Et lui, il était amoureux de la reine d'Angleterre, Elisabeth Ier. Et lui, il envoie la balle chaque fois, mais Elisabeth ne répond pas. Il ne reçoit pas les lettres. Donc, il finit par devenir furieux et écrire la dernière lettre qui va entrer dans l'histoire des relations russo-anglaises. À partir de ce moment-là, l'Angleterre va haïr la Russie et la Russie va haïr l'Angleterre. Voilà la fin de la lettre. Eh bien, reine, j'espérais que tu étais une vraie reine, une impératrice, et que c'était toi qui possédais les gens, des terres, les mers, ton royaume, enfin, que tu te souciais de l'État, de ton royaume. Mais je me suis trompé, et combien grandement sur ton compte. Ce n'est pas toi qui possèdes tes serviteurs, c'est tes sujets, tes esclaves qui te possèdent. C'est eux qui te guident, ce sont tes ministres qui tiennent les guides du trône. C'est les petits gens qui te dictent, c'est les moujiks qui te gouvernent. Et eux ne soucient pas du tout, mais pas du tout de toi, ni de leur propre royaume. Ils ne veulent que l'argent, qu'il brille dans leur bourse. Qu'elle explose enfin leur bourse ladre. Et toi, là, je vois que tu n'es qu'une fille banale, Oui, une fille ordinaire, comme il y en a partout, mais pas une reine. Ici, c'est comme ça. On laisse choir notre affaire. Pas un mot de plus. Plus une lettre là-dessus. Que tes gars, qui se sont moqués de mes propositions commerciales, essayent de nager jusqu'ici, avec leur négus en tête. Qu'ils viennent. Là, je vais voir comment ils vont vendre dans mes terres. Ici, on a vécu, on vit et on vivra sans vos marchandises. Et pas petitement, ah non. On a tout ici, mais tout. Et puis une autre chose encore, la charte. Ce certificat de commerce que je t'ai envoyé, va falloir que tu me le renvoies, vite et point. Et même si tu négliges, comme toujours, tu l'as fait avec moi, de me le renvoyer. Les Anglais qui viendront avec cette charte partiront d'ici les mains liées, bourse vide, pas un verre de terre vendu. Je ne tiens plus compte de rien pour ce que te concerne. L'ensemble de mes lettres, mes chartes et tout, brûle-les, brûle tout, plus rien entre nous. Point. Merci. Merci beaucoup. Voilà comment parler à une belle époque, à une reine. Oui, hein. Comment parler à une dame. Oui, oui, à une vierge. Elle était vierge. Bon, un commentaire, Samuel, peut-être, sur ces deux moments de littérature que... Non, je découvre. Je découvre déjà la petite faute de traduction, la petite erreur de traduction sur le terrible. Voilà. Ouais. Voilà. Il n'était pas si terrible. Finalement, il était déterminé. Ils vont le sévère. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais, mais en France, en Angleterre, en Allemagne, c'était une grande campagne contre lui. On le présentait en sorte de dévoreur de vierges qui peut une soir à débourrer cinq filles à la fois, qui boit, qui mange, qui croque les têtes de petits gosses. On l'a présenté comme la bête d'Antichrist, comme la pute de Babylone, quoi. Mais ce qui n'était pas vrai. C'était quelqu'un extrêmement lettré. C'est lui, pour la première fois, qui a envoyé les traducteurs en Byzance, en Constantinople, pour pouvoir traduire du grec en slavon, la Bible. Avant, la Bible n'existait pas pour les Russes. C'est lui qui a lancé la traduction. Et puis les lettres, les travaux de Joseph Flavius, grand historien, traître, transfuge, tout ce que vous voulez, mais c'était un grand styliste, grand historien. C'est Ivan le Terrible qui l'a fait traduire du grec en slavon. Et cet extrait était définitivement perdu de l'original. Et maintenant, tous ceux qui veulent traduire la prise de Jérusalem par Titus et par Vespasien sont obligés à s'adresser à la Russie pour pouvoir accéder, pour pouvoir traduire en français, par exemple, à partir de textes du slavon. Et ce que vous me disiez aussi hors antenne, c'est que, en plus d'être sévère, c'était quelqu'un d'extrêmement drôle et qu'il a inventé un nombre d'insultes incroyables. Il était un maître d'insultes. Par exemple, il écrivait à ses victimes. Il écrit un prêtre qui voulait passer justement de côté de Polonais. Hein. C'était une sorte de match entre match de foot avec les têtes de victimes au lieu de ballon entre Stéphane Bathory, un grand stratège mais pas roi, et Ivan le Terrible. Et Ivan le Terrible a vu que les prêtres à barbe rabattue partent en Pologne. Et lui, il commençait à écrire en disant bah voilà, vous avez perdu la boule, hein. Mais vous n'allez pas le trouver en Pologne, la boule perdue. Il faut la trouver ici, là où vous l'avez perdue. Donc revenez. Vous n'êtes que des cure-dents du Satan et cornemuse à paix. Et puis pas mal d'autres choses. Il avait une langue fleurie, comme on dit. Oh là là, très baroque. C'était une sorte de... pour moi, de Rabelais qui est devenu fou, que de recevoir une balle en faisant l'aube, il a dû recevoir le ballon sur la tête, et il est devenu fou. Mais c'était un grand écrivain. Ni avant ni après, personne en Russie n'écrivait comme lui. Et c'était très reconnaissable. rentré. Il était, comme disait Proust, il était un peu enverti sur les bords. Il couchait avec les garçons, avec les ours, avec les chiens, avec les chats, avec tout. Mais c'est parce qu'il était trop exubérant. Et puis le terrain de foot en Russie est trop grand. Deux heures de décalage entre le Vladivostok, vous imaginez. Oui. Un gardien de but qui commence à roupiller en Vladivostok. Et à Moscou, il y a quelqu'un qui frappe. Il faut le réveiller. C'est trop grand. Pour le hockey, c'est bien. Mais pour le foot, c'est trop grand. Ça me paraît parfait comme transition pour retourner au stade de Varsovie. Magic, j'ai cru voir une aile de pigeon tout à l'heure. Une aile de pigeon tout à fait du numéro 2 russe, Anioukov, mais qui n'a servi à rien puisque le Polonais Lewandowski avait récupéré le ballon. Écoutez, le match a l'air de se calmer. On a l'impression ici que depuis la 85e minute, eh bien, les équipes ont l'air de se satisfaire de ce match nul qui a engendré, ma foi, fort bien les deux équipes, puisque la Russie pourrait être facilement qualifiée avec ce match nul suivant le troisième match, et la Pologne n'est toujours pas éliminée. Alors, je ne connais pas très bien la langue slavon, je ne connais pas très bien cette langue-là, mais moi, je le trouve assez terrible, Yvan le Sévère, avec son jeu de foot d'époque. Et voilà. Alors écoutez, ici, je vais me faire le plaisir personnel de vous annoncer que nous jouons la dernière minute dans le temps officiel de ce match et que le Polonais Dudka a été remplacé à la 72e minute par un dénommé Mierzejewski et que le Russe Karjakov, qui avait été d'ailleurs très bon, l'attaquant russe, a été remplacé à la 60e minute par Paliouchenko. Et qu'enfin, à la 84e minute, Polonski, oui, Polonski, le numéro 7 de cette équipe de Pologne, a été remplacé par Matuszki. C'est Tourgueniev qui est rentré pour l'équipe russe tout à l'heure. Et Kameniev et Zinoviev sont en train de s'entraîner. Et je pense que ça augure d'une révolution profonde dans le jeu russe. Et ici, on est vraiment bien. Les sièges sont bien, Magic. Hein, les sièges sont vraiment bien. On est bien. Oui, je ne m'attendais pas à trouver des sièges de cette qualité-là en Pologne. On m'avait averti. Écoutez, je suis agréablement surpris. Et alors que là, on vient d'attaquer le temps additionnel. Alors, combien de temps additionnel, Magic ? Alors, nous sommes à la 55e seconde, déjà 56e, 58... Enfin, vous m'aurez compris de ce temps additionnel. Et il semblerait que Haroun Taziev, sur le banc, est en train de s'échauffer. Peut-être une dernière tentative du côté russe. Mais voilà, toujours 1-1 dans ce match pour l'instant qui a l'air de satisfaire les deux équipes. Bien, merci. De toute façon, on va revenir vers vous très vite puisque la fin du match semble imminente. Peut-être le temps pour nos deux invités prestigieux de dire un mot sur ce match qu'on vient de voir. Samuel, par exemple, je vous sens captivé par la couleur du maillot polonais. Oui, j'ai cru que c'était la Hollande à un moment, et pas du tout en fait. Non. Non, j'essaye de suivre avec les commentaires de Magic. Qui a bien travaillé. Qui a bien travaillé, oui. Mais j'ai pas toujours l'impression que ça correspond exactement au match, mais bon. Et moi je pense que c'est merveilleux quand deux équipes, polonais et russes, sont satisfaits. Oui. Et bah, même pas remboursés, c'est merveilleux. Oui. Je pense que c'est une fois, ça arrive une fois dans le siècle. Et on est en train de le vivre. Oui. Mmh. Ouais. C'est chouette. Ouais. Personne ne gagne et personne ne perd. Brett. Bon, bah, il reste encore combien de secondes, Magic ? Il y a un dernier changement que vous voulez évoquer, peut-être. Ah, on vous laisse commenter ce changement qui. Nous sommes par... Excusez-moi, nous sommes à la 92e minute. Changement important. C'est Obraniak. Extrêmement important puisque notre Ludovic national, Ludovic Obraniak, qui joue en Ligue 1, excusez-moi, du peu, se fait remplacer actuellement, donc nous jouons la 92e minute, par un certain, excusez-moi, Brodnieck, voilà, je crois que je l'ai bien prononcé. Brodnieck, c'est exactement ça, me dit-on, à côté mon journaliste russe. Les sièges sont bons, mais vous êtes loin. Donc pour voir le nom des joueurs, Tout à fait. Et puis Je dois vous avouer que je ne les connais pas tous. Non, mais on est bien. Il faut quand même insister là-dessus. On est vraiment bien. Les sièges sont vraiment bien, bien, bien, bien. Merci les gars. Bon, bah écoutez, on vous retrouve à la fin du match, je crois, pour un morceau musical dont le shérif aura le secret. Magic, vous aurez peut-être une interview ou deux quand même. Oui, on espère. Oui. Hein. Ah oui, bien sûr. Alors, j'ai deux personnes que je voudrais interviewer si j'ai cette chance-là. C'est évidemment la star sur le stade, c'est Archavin, l'ancien joueur d'Arsenal, et évidemment le grand entraîneur. Dit d'advocate. J'aurais bien essayé Platini, mais il a l'air de s'amuser au champagne là-bas. Mais je vais essayer Archavin et dit d'advocate. Je vous tiens au courant. Restez en contact. Très bien. À vous, shérif. Je crois que ça y est. Les sièges sont bien, mais on commence à nous faire signe qu'il va falloir quitter ces sièges bien. Pourtant, on est bien ici. C'est la fin du match. Un bon vieux 1-1 des familles entre la Pologne et la Russie qui n'y a pas si longtemps. Mais on a décidé de ne pas citer cet homme célèbre, je crois, dans votre émission. Je ne sais pas. Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé beaucoup hein, Tourguéniev. Bon, très... Très bref, hein, toujours dans ses interventions, très, très, très bien placé, très court. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne sais pas, c'est peut-être le moment de passer un petit peu de musique. On voulait s'introduire tout ça, shérif. Eh bien, écoutez, on a été dans une petite taverne avec Magic tout à l'heure dans le sud-est de Varsovie. Et figurez-vous que quatre garçons dans le vent, en tout cas, il y avait du vent, nous ont interprété ce petit morceau. On vous en dira peut-être un peu plus tout à l'heure. Là, c'est, voilà, hop, c'est parti. 3, 5, 0, 1, 2, 5, 0. I was there in the backstage when this light came around. I grew up not a changeling, but when the first time around, I could see all the weakness, I could pick all the faults, but I could see all the fake tests. In your throats. Merci shérif pour cette interlude musicale. Brett, maintenant on va passer à une chronique qu'on aime et une rubrique qu'on aime beaucoup dans notre émission. Bah, c'est une rubrique qui change un petit peu. Donc cette semaine, Tonton Chris et le Vicomte, nos deux spécialistes du football international, laissent exceptionnellement, ou pas, on verra par la suite, le micro à Nelly et Timothée. Ces deux spécialistes de l'échange franco-russe nous donnent autour d'une table leur point de vue singulier sur le match de ce soir et plus particulièrement sur le football en Russie. Donc on écoute tout ça. Тимотей и я не являемся большими болельщиками футбола. Нелли и moi ne sommes pas de grands amateurs de football. Я никогда не была на стадионе. Moi non plus, je ne suis jamais allée en France voir un match. Футбол является национальным видом спорта в России, и у каждого города есть своя команда. Du temps que nous avons vécu en Russie, je me souviens d'avoir été marqué par le nom de certains clubs porteurs de leur histoire et de leur passé soviétique. ЦСКА Москва, центральный спортивный клуб армии. Le club sportif central de l'armée de Moscou. Локомотив Москва, преемник КОРа, клуба Октябрьской революции. Le Locomotiv Moscou, successeur du КРО, le club de la révolution d'octobre. Футбольный клуб «Динамо», основанный ГПУ, бывший КГБ при инициативе Феликса Дзержинского. Девиз команды «Сила в движении», написанный Максимом Горьким. Le FK Динамо de Moscou, fondé par la police politique russe à l'initiative de Félix Dzerzhinsky, qui a pour devise, inventé par Максим Горький, le pouvoir en mouvement. И, конечно, футбольный клуб «Крылья Советов» Самара. Et bien sûr, les ailes du Soviet de Самара. Я никогда не присутствовал на матче «Крыльев Советов», так как считаю, что футбол приносит агрессию и насилие. Le foot est en Russie comme ailleurs avant tout un énorme business. Le CSKA Moscou avait pour sponsor le milliardaire Abramovich jusqu'en 2007, avant que ce dernier s'exile à Londres. Depuis, c'est une banque. Le FK Anji Mahachkala, la perle de Mahachkala, capitale du Daghestan, club créé en 1991 et qui évolue depuis peu en première division, racheté par l'oligarque russe Souleyman Kourimov, s'offrait il y a un peu moins d'un an le joueur Samuel Eto'o, qui devenait alors le joueur le mieux payé de l'histoire avec un salaire annuel de plus de 20 millions d'euros. Крылья Советов, так же как и ОМ, в Марселе активно поддерживается городом. Если даже я не болельщик футбола, то мне всегда приятно слышать о победе нашей команды. Et bien sûr, il y a les ailes du Soviet de Самара. Самара a été une ville fermée pendant une grande partie du XXe siècle. Abritant un programme de développement de missiles soviétiques, elle était donc inaccessible aux étrangers qui étaient ainsi privés de ses charmes inattendus. Aujourd'hui, c'est l'industrie de l'armement qui sponsorise l'équipe de la ville. Malgré cela, une certaine fierté nous gagnait lorsqu'au détour d'un bar, nous apprenions la victoire des Krylia Sovietov de Samara. Желаю удачи на Евро. Россия, вперед! Et le match. Merci, Red. Nos deux amis Nelly et Timothée. Tout à fait, pour cette belle minute et contre-minute. Et Dimitri, peut-être on vous laisse réagir à ce qu'on vient d'entendre, d'abord sur la véracité de tout ce qui vient d'être dit, et des commentaires éventuels. Oh, je suis aussi je suis très honoré de parler presque en même temps, et en direct, de la même ville qui a vu naître Nelly, et peut-être un peu avant moi, parce que je suppose par l'oreille, je ne peux pas distinguer l'âge, mais je suis né plus tôt. C'est une ville, effectivement, qui était fermée, qui maintenant, même maintenant, qui est un bunker de Staline, fermé, évidemment, mais avec tout ce qui Staline a apporté de Moscou. Il y a un vieux monsieur qui est devenu une ombre depuis, peut-être il n'a pas changé, il est né comme ça, vieux, qui est gardien de ce temple, de ce bunker. Et si vous venez visiter là-bas, il vous demande de ne rien toucher parce que peut-être maître de la maison viendra. Et ça fait, même quand il fait très chaud en Russie, et à Samara peut être très chaud, ça fait froid au dos. C'est une très très belle ville maintenant qui est ouverte. Vous savez, comme la maison qui était longtemps renfermée, si on ouvre toutes les fenêtres et toutes les portes, ça peut créer une sacrée pétodière, et en même temps, ça fait un très joli courant d'air qui apporte des choses et qui emporte les choses. Merci Dimitri. Merci. Encore une fois. Samuel, vous avez, j'imagine, encore appris des choses avec cette chronique de Nelly et Timothée. Oui, exactement, oui. Oui. Vous êtes content d'être là, quoi. Ouais. J'ai dit, vous avez peut-être des impressions. J'écoute pour l'instant. Oui. J'ai quelques mots à dire à Samuel parce que j'ai lu son livre et j'avais l'impression, assez étrange, parce que ça excitait vachement mon imagination. Et vous pouvez constater, il n'a pas besoin de grand-chose pour être excité, n'est-ce pas ? Mais j'ai fait une sorte de vision. en lisant ces textes. Lequel avez-vous lu, le livre ? Je lis le livre. Oxbow P. Oui. Et j'avais l'impression que maintenant, les corbeaux ont besoin de prendre l'avion pour aller d'une toit à l'autre. Ça veut dire, j'étais assez impressionné par la route qu'on peut prendre. Il paraît que la route la plus courte, c'est celle qui est la plus longue. C'est comme Euclide qui disait que la route la plus courte, c'est la route qui est la plus courte. Mais il y avait un Russe, d'ailleurs un ivrogne, Fini Lobachevsky, un mathématicien, qui a une fois, il avait une, c'est pas une légende, il était en cure des intoxications. Et une fois, il a fait une ligne entre deux points, mais il a eu une idée géniale. Il a plié la page. Il a inventé géométrie né-euclidienne. Et moi, j'avais l'impression, en lisant vos textes, d'assister à ce cure des intoxications. Et j'avais l'impression, si on tord la page de votre livre, que les lettres vont glisser. Et on peut jouer comme ça. Les lettres glissent, ça forme les textes comme ça, différents. Samuel, une réponse peut-être. Un droit de réponse. Avant de retourner au stade. C'est un commentaire qu'on m'avait jamais fait. Je suis assez touché, ouais. Ouais. La comparaison avec l'ivrogne, j'apprécie beaucoup. Sincèrement. Vous savez, il y a des ivrognes. Il y a des ivrognes même chez les Russes. Il y a des ivrognes à la barbe. Il y a les ivrognes en berbe. Il y a des ivrognes en Russie. Ça arrive. Il y a des ivrognes aussi. On va retourner au stade parce que je crois que d'abord on va faire le bilan de ce match, le bilan de cette journée pour le groupe A, me semble-t-il, Magic et Sheriff. Et voilà, on vous laisse un petit peu faire l'analyse de tout ça et éventuellement si vous avez des interviews, je crois sous... Mathieu, ne quittez pas. Oui, vous tombez bien. Écoutez, comme promis, j'avais essayé d'aller vers Arshavin. Évidemment, c'est la star. Il m'a rayonné. Ensuite, j'ai essayé Did Advocate. Excusez-moi, mais je me suis rendu compte qu'il parlait ni anglais ni français puisqu'il est hollandais et que hollandais. Mais j'ai réussi à rattraper Mathieu. Mathieu, deux secondes. Mathieu Berkis, donc le défenseur arrière-gauche de cette équipe de Pologne. Vous avez fait un match nul. On vous connaît bien en France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce match et ce match nul quand même que vous méritez très peu? Je voudrais pas polémiquer. Je dirais bien ferme ta gueule. Match nul, ça se voit que vous êtes pas sur le terrain. Écoutez, j'ai beaucoup d'estime pour vous, Magic, vraiment. Mais match nul, non. Je vois pas ce qui était nul. On était bien ce soir sur le terrain. La pelouse était bien. Les lignes étaient bien tracées, les arbitres étaient bien, le ballon était bien, mes chaussures étaient bien. Match nul, non, je suis pas d'accord. Match rugueux, oui. Bon, on a joué contre la Russie ce soir, mais bon, je veux dire, Valenciennes, la Russie, c'est deux grosses équipes. Il n'y a pas si longtemps. Puis en plus, et donc, mais voilà, match nul, non, je vous ai connu plus perspicace, Magic. Merci, Mathieu. Essayez de l'appeler Damien Perkis. Oui, c'est Damien, pardon, excusez-moi. Damien, c'est pour ça qu'il l'a mal pris. Ouais. Bah oui, il est quand même. Excusez-moi. Écoutez, le bilan de la journée dans cette deuxième. Il est bon, non Ah ouais, très bon. Bilan. Une belle boulette de Petr Cech, le gardien tchèque, qui a malheureusement concédé donc le but. Dans son match face à la Grèce, mais la Tchéquie qui gagne son match 2-1 et qui se relance après avoir perdu son premier match, donc 3 points pour l'équipe de Tchéquie. La Pologne 4e avec 2 points et la Russie 1ère avec 4 points. Et voilà, les jeux ne sont pas totalement faits dans ce groupe là la Russie reste en ballottage favorable et tout va se jouer sur le 3e et dernier match de cette poule. Merci Magic. Merci Shérif, on vous retrouve tout à l'heure, bien sûr. Et le temps pour nous de réalimenter peut-être maintenant notre rubrique théâtre et football, cher Brett. Oui, alors c'est une rubrique qu'on avait déjà testée il y a quelques semaines. Quelques mois même, peut-être. Quelques mois, ouais. Peut-être, peut-on dire. On reprend la même pièce de théâtre qui tout était Italie-Brésil 3-2. Exactement, un spectacle mis en scène par Alexandra Tobelheim de la compagnie Tandem. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on rappelle rapidement le sujet de la pièce ? Oui, allez-y. Donc, c'est le temps de ce match de poule, parce qu'à l'époque, c'était un match de poule. L'Italie joue le Brésil et doit absolument gagner pour se qualifier pour les phases finales. Le sujet de la pièce, c'est un enfant qui suit la pièce accompagné de sa famille. Et des voisins, une famille élargie italienne. Et donc, il raconte le match vu de l'intérieur et vu par ses yeux. Et donc, au milieu de cette pièce, à la mi-temps du match, il me semble... À la mi-temps, oui, c'est ça. Un de ses oncles raconte un événement historique. Oui, tout à fait. C'était un événement qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, où, alors j'imagine que c'est romancé par l'auteur de la pièce, un général nazi reconnaît, dans une boulangerie de Kiev, la plupart des grands joueurs du grand Dynamo Kiev. Et qui décide à partir de là d'organiser un match entre une équipe qui représentera l'Allemagne toute puissante de l'époque et ce Dynamo de Kiev qui était, juste avant la guerre, la meilleure équipe d'Europe et sinon du monde de football. Et c'est cet extrait qu'on a choisi de vous passer. Le texte est de David De Enya. Et il est interprété par Solal Bouloudnin. Le match est organisé. Le 6 août, dans le stade de l'ex-Dynamo et désormais Start de Kiev, stade où toutes les places sont occupées. 22 000 Ukrainiens qui remplissent les gradins et trouvent au bord du terrain 200 SS avec leurs fusils pointés sur eux. Parce qu'aucune explosion de joie n'est autorisée. Et parce qu'il faut que ce soit un grand triomphe de l'Allemagne nazie sur le peuple occupé. Le match commence et on joue dans un climat de tension irréel. Il se termine sur un 4-2. Pour la Start de Kiev, pour les Ukrainiens, ils gagnent. Il gagne et les voilà submergés par les sanglots de 22 000 personnes qui s'embrassent et continuent de pleurer parce qu'il s'est produit un miracle. Un miracle. Parce que cette victoire sur le terrain de sport est plus qu'une victoire sur un champ de bataille lointain. Cette victoire est ici. Elle est devant leurs yeux. Elle est. De cela, le général-major s'en rend aussitôt compte et il entre dans les vestiaires. Bravo, Trusevich, bravo, viens ici, Trusevich. Viens. 11 mois que vous n'avez pas touché un ballon. Mais quand on est fort, on le reste, y a rien à faire. Viens ici, Trusevich, je te le dis. Ce match n'a jamais existé. Nous le rejouons dans 9 jours exactement et vous devez perdre. Pas un mot, Trusevich, pas un mot. Et maintenant, rentrez chez vous tous, dans vos familles. Parce que c'est beau d'avoir une famille. Et on rejoue le match, le 15 août, le même stade. Toutes les places sont occupées. 36 000 Ukrainiens entassés sur les gradins comme des bêtes qui trouvent au bord du terrain 800 SS avec leurs fusils pointés sur eux. Les Allemands ne peuvent pas se permettre de perdre. Pas une seconde fois. Pas devant 36 000 personnes. Mais ceux de la Start de Kiev, ils sont hors catégorie. Et ils endorment le match, ils l'anesthésient. Gontcharenko dribble un adversaire et un autre. Et il tire systématiquement dehors pour éviter qu'il lui brise les jambes. Nikolaï Trusevich, gardien et capitaine, voit. Il voit que ses défenseurs ne le protègent pas. Et il voit l'adversaire tirer au ras du sol. La balle franchit la ligne des buts. Le filet se gonfle. Et il sent un froid glacial s'abattre sur les os de 36 000 personnes. En un seul instant. Et quelque chose se brise à l'intérieur de Nikolaï Trusevich en cet instant. Dans sa poitrine, dans son cœur. Une douleur au cœur imprévisible. Quand Nikolaï Trusevich, gardien et capitaine, voit ses défenseurs ne pas fermer le triangle et ne pas protéger. L'adversaire marqué parce qu'il ne plonge pas. Quand il sent un froid glacial s'abattre sur les os de 36 000 personnes. Une douleur au cœur imprévisible. Absolument imprévisible. Le match reprend et les Ukrainiens jouent tous les yeux sur le sol. Ils ont honte de ce qu'ils font. Et c'est un instant, un seul instant, la même action. Un attaquant qui démarque et qui tire cette fois au croisement des poteaux, but. Non. Au dernier moment, in extremis, Nikolaï Trusevich bouge, il vole. Quiconque l'a vu jouer dit de lui que c'était un soupir. Il part la balle, Trusevich, il la part, il la serre entre ses mains gantées, puis il tombe par terre, il se relève, il regarde ses camarades et il leur dit « Mes petits, Mais on le joue, ce match. On veut le jouer, ce match. Allez, on le joue, ce match. Et il la renvoie. Et dans la même action, Goncharenko égalise 1-1. La reprise est très dure. Les interventions de Nikolaï Trusevich pour défendre ses cages sont des miracles. Et on raconte que lorsque Goncharenko dribbla jusqu'au gardien lui-même et entra avec la balle dans les buts, amenant ainsi le score de 2-1 pour la Start de Kiev, le score qui les ramène en tête, on raconte que Goncharenko explosa en larmes. Le match s'achève 2-1. Les Ukrainiens ont encore gagné. C'est de nouveau arrivé. Ils sont submergés par les sanglots de 36 000 personnes qui s'embrassent et qui pleurent. Ce n'était pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. C'est quelque chose de plus. C'est déjà la résistance. Mais cette fois, les joueurs ne peuvent pas abandonner le terrain. Les supporters ne peuvent pas quitter les gradins. Les mitraillettes sont pointées sur eux. Et Berhardt entre sur le terrain et ordonne que Goncharenko, l'auteur du doublé, soit immédiatement déporté au camp de Babi Yar. La crosse du fusil s'abat sur le crâne du footballeur qui tombe à terre. On le traîne. Il laisse derrière lui une traînée de sang qui lui sort de la tête. Les coéquipiers de Nikolaï Trusevich sont poussés vers le centre du terrain par les mitraillettes. Nikolaï Trusevich est gardé sur la ligne des buts par une mitraillette. Et Berhardt se dirige vers lui. « Mais qu'est-ce que t'as fabriqué, putain, Trusevich? Il suffisait de perdre. Cela suffisait. »« Que voulez-vous, général-major? Nous sommes des footballeurs. Et quand nous jouons pour gagner. » »« Oui, mais maintenant, tu sais que nous devons donner un exemple devant tout le monde, non ?» Et devant 36 000 personnes, les coéquipiers de Nikolaï Trusevich sont mis à genoux le long du cercle au centre du terrain, en se regardant dans les yeux, les mains dans le dos. Un soldat vient derrière chacun d'eux, qui sort son pistolet, le pointe sur la nuque, comme pour les traîtres, et qui tire. Et le numéro 3 meurt. Le 5, le 8, le 11, le 10, le 4, le 6, le 7... C'est le tour de Trusevich. Son sort est différent. Lui, il peut voir la mort en face. Il est placé sur la ligne des buts et le tireur est là, sur le petit disque de la surface de réparation. Le tireur le vise et il tire. Nikolaï Trusevich tombe et meurt. Pologne, Russie. Voilà. Cette anecdote racontée dans cette pièce de théâtre. Qui n'est pas une anecdote bien bien marrante. Vous en aviez entendu parler, Dimitri Bortnikov? Oui. Et mon grand-père qui faisait Deuxième Guerre mondiale. J'avais deux grands-pères. J'ai un grand-père allemand qui est resté aussi après avoir fait la prison pendant. On appelait ça l'armée. Ils étaient en train de tous les prisonniers qui restaient en Russie, ils étaient en train de reconstruire ce qu'ils ont détruit. Et notre grand-père de côté maternel, qui faisait la guerre, il m'a raconté que les Allemands parfois ils faisaient les matchs de foot sur le terrain miné. Avec deux ou trois ballons comme ça, il y avait des prisonniers qui jouaient sur le terrain miné et ça explosait. Comme ça, ils déminaient le terrain. Ouais. Oui. Difficile de rebondir sur le. Je vois Magic à l'antenne qui fait un petit peu le zouave avec les joueurs polonais là pour l'instant, mais. Il tente de rebondir. Là. Voilà. On va enchaîner avec le docteur Lehmann, qu'on a peu entendu pour l'instant, et pour cause, c'est qu'il est en duplex de Tirana, cher Brett. Il est en duplex de Tirana, on ne l'a pas entendu jusqu'à présent, je pense qu'on va l'entendre. Oui. On va classiquement le présenter. Tout à fait. Donc notre docteur Lehmann, qui est un chorégraphe, mais aussi spécialiste des questions géopolitiques concernant le football, va... c'est ce soir pour nous pencher sur le match Pologne-Russie. Donc il est en duplex de Tirana. Docteur, on vous laisse la parole dans un instant. Vous êtes en duplex de Tirana. Vous êtes pour monter une succursale du Desperado, a priori. Donc nous vous écoutons. Pologne-Russie. Quelle merveilleuse affiche nous propose-t-on à la faveur de ce match de poule de l'Euro 2012 et quelle revanche de l'histoire pour nos amis polonais dont le palmarès footballistique, désespérément vierge, devrait pourtant continuer d'enorgueillir le puissant clergé national. Quant à l'ennemi héréditaire russe, il faut bien convenir que depuis l'immense Lev Yachine, c'est-à-dire un demi-siècle révolu, les camarades peinent à émerger sur quelques podiums que ce soit. Pour ne point alimenter la démagogie rampante qui sévit actuellement sur les frontières de notre vieux continent, nous nous efforcerons de laisser sur la touche les aspects extra-sportifs. Ainsi, cette rencontre ne glissera pas sur le terrain encore trop peu stabilisé, perestroïka oblige, de la génétique et des mérites comparés des sangs s'écoulant dans les veines des deux peuples, et par capillarité, des deux équipes, la Zubrovska profitant ici, une fois n'est pas coutume, d'une primauté ne souffrant point la comparaison des trop rivales Smirnov, Eristov, Rachmaninov ou autres Poutinov. Ne nous trompons pas non plus, nous ne profiterons pas de ce match pour nous livrer à des colibés infamants, à un procès déplacé sur la disposition de la moitié orientale de l'Europe à caresser le cuir, un trop facile brûlot capitaliste impropre à résister au strict rappel des faits. Car ce serait oublier le bourgeonnement hongrois du printemps 54, les Maradona des Carpates et de la même noire, Hadji et Stoïkov, sans oublier la diaspora ex-yougoslave qui continue à faire fumer les pistes européennes de leur samba des Balkans. Chronique géopolitique sulfureuse donc, puisqu'au cœur des controverses sur l'Europe, son tragique passé et son futur incertain surtout. Difficile cependant de mettre sur le même plan les deux nations du ballon rond. Car si du côté de chez Poutine, aucun aficionado de l'OM n'a oublié le Michael Owen russe, Dimitri Sichtchev, avant-centre auteur de la bagatelle de 7 buts en 44 matchs, le football post-soviétique n'en conserve pas moins le charme un tantinet désuet, pré-autoroutier même, des locomotives et autres dynamos. En revanche, ne comptons pas sur nous pour faire l'autruche sous la chapka, la saison ne s'y prête en guerre, il faudra donc bien s'interroger sur l'insolent laxisme dont font preuve les nations européennes, laissant les Polonais continuer à taquiner le ballon rond malgré tous ces indicateurs au rouge. En effet, comment expliquer que 40 millions de Polonais, soit presque autant que les Espagnols, s'échinent et difficilement encore à miser leur rayonnement sportif sur le 400 mètres haies féminin ou le lancer du marteau. Concernant ce dernier, on saisira encore qu'ils veuillent se délester d'un emblème pesant, quitte à garder la faucille dans l'autre main, au cas où Moscou leur referait le coup de l'avion présidentiel. Et pour preuve, bien malin celui qui pouvait citer, il y a quelques semaines encore, un joueur ou ne serait-ce qu'un club polonais. Un souvenir à peine, à l'heure où je compose cette chronique, celui où Lens chope un Jacek Bak à Lyon, le défenseur polonais se contentant de laisser la petite musique du titre au gun cette année-là. À ce rythme, on se convertirait presque à l'ancienne wagnérienne, histoire que sous les piétinements conjugués d'Oliver et pourquoi pas de Dominique Strauss-Kahn, l'herbe ne repousse plus sur les gazons polonais. De là à voir l'ombre de Jean-Paul II planer sur l'attribution de l'euro à la Pologne, il n'y a qu'un pas que ne démentirait pas Al-Qaïda à propos du Qatar. C'en est à se demander pourquoi Varsovie n'accueille pas la finale du championnat d'Europe des plombiers et pourquoi le Grand Prix européen des camionneurs bourrés n'est pas couronné à Cracovie. Mais, suce à la calomnie, rappelons tout de même que l'équipe de Pologne a enchaîné en une décennie un titre olympique et deux demi-finales de Coupe du Monde. Comme l'ont souvent prophétisé leurs voisins russes et allemands, le destin polonais n'est-il pas hors d'Europe, trop petite pour leur génie national? On attendra donc avec impatience le sacre mondial des Polonais à Moscou en 2012. Libre à qui veut, en attendant, d'avaler ça, et par solidarité, on s'en pourlèche déjà la moustache. Merci docteur, c'était vraiment une très belle chronique. Brett, belle une chronique. Réaction à cette chronique? Bon, moi, je n'ai pas de réaction forcément. Je pense qu'on n'aura pas de... On a perdu la liaison, je crois, avec le docteur. La liaison n'est pas bonne. Avec Tirana, la liaison est mauvaise. Je crois qu'on a, et on l'a déjà perdu. Mais voilà, on l'a tenu le temps de la chronique, c'était quand même suffisant. C'était mais bien. On l'aura pas plus. Belle chronique, est-ce que... Samuel, on vous a vu bondir sur votre siège à plusieurs occasions. Comment avez-vous trouvé cette chronique? C'est une chronique très très drôle, très enlevée. Très, ouais. Le style vous oui. Vous a plu. Il est très bien ce docteur. Dimitri, moi compatient. Je l'adopterai ce docteur. Compatient comme un ours russe. Oh, il fera mon petit 4 heures dans ma tanière. Ah ben c'est... Il en serait fier. Je voulais juste lire trois. Ah bah avec plaisir. Bien sûr. Comme avec grand plaisir. Qu'est-ce que les tsars russes disent? Donc, je recevais tes lettres, ces lettres étranges, et je leur faisais confiance et tout, mais tout ce que tu m'as demandé, je l'ai exécuté avec diligence et rigueur, et qui sont ma nature, qui sont ma main gauche et ma main droite, sache, reine, la main qui t'écrit te fait confiance. Les gens te diront, ah non, reine, si Ivan de la Russie se met à parler de confiance, il faut que tu te méfies grandement. Il n'a confiance en personne. Écoute-les. « Et bouche tes oreilles souveraines, je sais qui je suis, je sais qui tu es, et le reste, c'est le sable sur tes talons. Mais la boue ici, reine, est plus salissante, plus noire, plus solide et dure à enlever. On ne se débarrasse pas simplement en secouant les bottes. Oh non, chaque fois, oui, tous les jours, on décrotte ici les cœurs, les âmes, les sabots et les bottes. On est propre ici autrement, c'est la boue ici, reine, tu vois. » La mer, moi, je l'éther, il a boue. Autant de terre que tu as de l'eau. Voilà la différence entre l'Angleterre et la Russie. Merci Dimitri. Merci. On va bientôt conclure cette émission. On va d'abord annoncer que l'émission suivante, Lapin Culte, aura un petit peu de retard. D'abord parce que on est en retard parce qu'on n'a pas fini. Oui. Et puis en plus parce qu'il y a un léger problème technique pour lequel on s'excuse. Et avant de conclure par un très très beau reportage de terrain, cher Brett. Tout à fait, Manuel. On va laisser éventuellement Magic au stade nous présenter un sujet dont il a le secret. Brett, qu'en pensez-vous ? J'en pense que du bien. Magic, on vous écoute. Présentez-nous un sujet dont vous avez le secret. Oui, vous êtes là ? Oui, oui. Je peux y aller ? Oui. Alors, j'ai l'immense honneur de présenter à l'ensemble de nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux, me dit-on, à ma droite. N'est-ce pas, shérif ? Écoutez, Magic, j'ai trouvé Mathieu Damien Perkis très très dur avec vous quand il vous a dit « ferme ta gueule ». Cette espèce de nasriède n'allait pas bien avec le fait qu'on soit bien ici. Et vous en avez le secret qu'on soit bien ici. Merci pour ces sièges bien, Magic. Ouais, en tout cas, on a de plus en plus d'auditeurs malgré tout ça. Et j'ai l'immense honneur, comme je vous le disais, d'annoncer à notre auditoire eh bien que c'est d'abord la dernière émission de la saison, mais que tout cela n'est pas fini et que ça va reprendre en septembre avec une nouvelle émission dédiée évidemment à la littérature, au cinéma, au théâtre, mais surtout au football et aussi à la politique. Et d'ailleurs, en parlant de politique, on va vous passer une petite interview de la prochaine émission qu'on va faire en septembre et qui concerne 5 grands footballeurs de l'histoire du football. Écoutez bien, de l'histoire du football qui va de 1945, 44, 45 à nos jours, en terminant par Didier Drogba, sur un extrait donc d'un documentaire qui s'appelle Les Rebelles du foot, où on a interviewé les réalisateurs et producteurs de ce documentaire-là. On peut donner leur nom aux réalisateurs, peut-être Gilles Ross. Gilles Ross, tout à fait. Et Gilles Pérez, il me semble. Et Gilles Pérez, les deux protagonistes principaux de ce documentaire-là. Nous allons vous passer un petit extrait, mais juste pour vous rappeler qu'il s'agit donc de l'histoire de 5 grands footballeurs qui, dans le domaine politique, ont mené des grandes actions et que tout ça pour vous rappeler que le football dépasse largement le stade de foot. Et juste avant que l'extrait commence, pour dire, c'était le souhait de Gilles Ross, que le DVD sort le 20 juin, qu'il y a une première, en tout cas une présentation à la Criée le 22 juin et que tout le monde peut venir, et qu'il me semble que Magic, vous avez fait d'ailleurs du doublage pour ce... Oui. Pour ce DVD, quand même. Tout à fait. Vous avez doublé un footballeur brésilien, un footballeur serbe. Oui. Les deux à la fois, j'ai fait le petit pont au brésilien et le grand sur le serbe. Et j'ai fini sur le chilien qui a arrêté mon tir. Mais oui, j'ai fait du doublage pour ce documentaire, tout à fait. Pour j'ai imité, disons, ou refait le directeur du club. J'ai oublié déjà le nom de Cruzeiro au Brésil, de Sao Paulo. Des Corinthians, exactement. Merci Manuel. Des Corinthians qui, à l'époque, dans les années 70, avaient commencé à faire un club totalement démocratique dans un pays où la démocratie ne signifiait absolument rien et qui a fini par donner à l'intégralité du pays un nouveau vent de démocratie et qui a fini par un gros syndicaliste d'ailleurs, à la tête du pays. Mais tout ça, on vous le racontera en septembre et je pense qu'on peut laisser la place à l'interview. À Gilles Rose, donc. C'est un documentaire qui se veut un petit peu, on va dire, militant et qui veut replacer les valeurs du foot dans ce qui nous intéresse et ce qui nous semble qui n'aurait jamais dû être dévoyé, c'est-à-dire les valeurs de solidarité, de vivre ensemble, des valeurs humaines, tout simplement. Et on est parti de l'idée que... Actuellement, c'est vrai qu'on connaît plutôt le côté star system du foot, mais qu'on oublie que tout au long de l'histoire de ce sport, qui est quand même le sport le plus populaire du monde, tout au long de l'histoire de ce sport, il y a eu des personnages qui ont transcendé complètement le côté sportif du foot et qui en ont fait aussi un outil, on va dire, de solidarité, un outil de mieux vivre, un outil aussi de militantisme politique parfois, social à d'autres moments, et aussi peut-être un outil de rébellion pour certains, c'est pour ça qu'on appelait ça les rebelles du foot, un outil de rébellion contre certaines dictatures. Donc on a compilé pendant un bon moment des histoires de très grands joueurs, donc le critère c'était quand même d'avoir des histoires parlant de joueurs, et là on parle seulement sur le plan sportif, de joueurs exceptionnels, de joueurs qui ont créé leur propre légende sur le terrain, et donc qui ont été ou qui sont toujours des personnages mythiques pour le fan de football de base. Mais on a tenu à ce que ces gens-là soient, au-delà donc de leur aspect sportif, des gens qui, à un moment ou à un autre, ont complètement dépassé ce cadre, ont osé faire des trucs qui nous paraissent complètement hallucinants, complètement dangereux également pour certains. Certains ont risqué leur vie vraiment de manière évidente pour défendre autre chose que le simple résultat du football. Alors on a compilé, on va dire, une douzaine d'histoires pour au final n'en garder que cinq. Et c'est ces cinq histoires qu'on a déclinées de deux manières. D'abord pour un 90 minutes pour Arte et pour 5 fois 26 minutes où chaque personnage a donc droit à son histoire. Ces 5 fois 26 minutes qui elles vont être diffusées sur des télévisions à l'étranger, notamment ça a commencé puisque ça a été diffusé sur ESPN en Angleterre la semaine dernière. Donc ces cinq personnages, ces cinq grands footballeurs, c'est des gens qui s'étalent de 1958 à nos jours. Donc on commence par une histoire qui a été complètement oubliée en France et qui pourtant concerne au premier chef les Français puisque c'est l'histoire de l'équipe du FLN. La seconde, c'est l'histoire de Carlos Caselli, qui est un avant-centre chilien. C'est un petit peu le Jean-Pierre Papin du Chili dans les années 70. Un joueur qui marque des buts, il marque but sur but, il est exceptionnel. Et surtout, il est très proche de l'Union populaire de Salvador Allende. Il y a l'histoire de Socrates, qui malheureusement est mort juste avant le début du tournage. Il est mort en décembre, on devait le voir en janvier. Donc on a vu tous les gens qui l'ont accompagné lors de l'épopée de la démocratie corinthienne. Moi, une des histoires qui m'a le plus touché, c'est celle de Predrag Pasić. Donc elle est beaucoup plus proche de nous, puisque c'était en 1993. Predrag Pasić, c'est un des grands joueurs de l'équipe de Yougoslavie de l'époque de Safet Susić. C'est un gamin de Sarajevo. Alors, d'origine serbe, c'est marrant. Il est bien sarajevien, mais il est d'origine serbe. La dernière histoire, alors là encore, on pourrait se dire qu'elle est un peu tirée par les cheveux parce qu'elle concerne Didier Drogba. Alors là, Didier Drogba, tout le monde connaît. C'est une superstar du foot. C'est un type qu'on voit sur les pubs de différentes marques d'électroménager ou de... et qui gagne des millions à Chelsea, qui est quand même pas l'exemple de l'équipe la plus, on va dire, axée sur les valeurs humaines du football, puisqu'elle est dirigée par un milliardaire russe, elle est détenue par un milliardaire russe. Bon, mais Didier Drogba, il a fait des choses assez fortes, même très fortes, pour la paix en Côte d'Ivoire. Voilà, donc l'histoire des rebelles du foot, c'est ces cinq histoires-là. Pour pas qu'on les oublie, ces histoires, parce que c'est des histoires, en effet, c'est des histoires du passé, pour certaines, sauf pour Drogba, mais c'est des histoires qui marquent aussi le rapport du foot avec la société et qui explique aussi pourquoi le foot c'est aussi important pour certaines personnes, dont nous. Merci à la technique d'avoir réalisé des miracles avec ce reportage qui n'était pas très bon. Il y avait beaucoup de vent quand on a interviewé Gilles Ross. Bon voilà, j'espère que le son est bien passé. Et on va conclure par un de nos reportages de terrain dont on a le secret. Mais avant ça, on va remercier tout le monde. Merci Brett. À tout le monde, parce que ça va être la fin de l'émission. Donc on va évidemment remercier nos prestigieux invités. Dimitri Bortnikov, merci beaucoup de votre présence et de vos interventions. Nazdarovie. Merci Samuel. De rien, merci à vous. Merci à toi. On va redire que Dimitri est en résidence en ce moment à Marseille grâce à une association qui est Peuple et Culture Marseille. Un petit mot sur Peuple et Culture Marseille, Dimitri, peut-être. Je me sens parfaitement marseillais, peuple et même la culture, de la foi. On va remercier le shérif qui est encore au stade. Écoutez, Magic m'a abandonné. Je crois qu'il a réussi à partir avec Archavine. Mais moi, je suis bien ici. Je suis bien. Les sièges sont bien. Je crois que je vais rester là. Les tablettes sont bien. La tribune de presse est bien. J'en profite pour embrasser Sonia. Et puis Nisrine, Peuple et Culture, c'est un peu Nisrine aussi. On l'embrasse aussi. Et voilà quoi. Ouais, on aurait aimé quand même, shérif, une interview de la charnière centrale de l'équipe russe. Désolé. Dostoïevski et Tolstoï sont au contrôle antidopage. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, moi, je suis bien là. Je les attends. Je les ai invités à venir lire un coup et boire quelques lignes. Voilà, on est bien ici. Les sièges sont bien. Je vois, parce qu'on a encore l'image sur le terrain, que Magic est en train de planter sa tente sur la pelouse du stade national de Varsovie. J'ai l'impression qu'il s'installe. L'hôtel était trop cher. En plus, l'hôtel n'était pas très bien pour le coup. Par contre, la pelouse est bien, comme nous l'a dit Mathieu Damien Perkis. Et voilà. Et juste pour vous dire que ce petit groupe qu'on a vu dans une taverne de Varsovie avait pour nom, je crois, quelque chose comme Joie Division, un truc dans le genre, enfin, un groupe anglais de Manchester. Je crois que Samuel, il est encore avec vous, Samuel, non ? Samuel est là, bien sûr. Qui est un grand spécialiste du football et de Manchester, doit connaître ce groupe. Et du karaté. Et du karaté et du karaoké aussi, et doit connaître Joie Division. Joie Division, oui. Ouais. Oui, j'ai bien aimé, je les ai reconnus. C'était très bien, bon choix, choix musical. En tout cas, moi, je vais vous laisser, je vais m'allonger sur ces sièges bien. Je vous salue, à la prochaine. À la prochaine. Et à la rentrée prochaine, shérif. Donc. Merci, shérif. Merci à vous tous. Soignez-vous. Et donc, pour conclure, Brett, on va lancer un de nos fameux reportages de terrain. Un vrai reportage de terrain, comme on les aime. Oui, un événement s'est passé le week-end dernier à Marseille, des moindres. Tout simplement, la Coupe du Monde en or. De baby foot de Marseille. Oui. Ce n'est pas rien. Et alors, pour la petite anecdote, c'est quand même les champions de cette Coupe du Monde en or de Marseille sont le shérif que nous entendions il y a quelques secondes et moi-même. Oui, cher Brett, il faut le noter. Vous avez... C'est un coup pour deux. Ouais, vous avez eu la prudence d'en parler. C'est parfait. Nous en sommes très fiers. Vous pouvez éventuellement rappeler le nom de votre équipe aussi à cette occasion. On s'appelait les Peaux-Rouges. Ouais. Bon, voilà, c'est très bien. Pour quelque chose qui nous détermine assez bien. Le bronzage, Oui. À l'intérieur. Le bronzage estival. Cette Coupe du Monde était organisée par une des équipes participantes à ce tournoi, qui était les Black Panthouses. Une équipe favorite. L'équipe favorite qui s'est perdu sur la fin, les Black Panthers composés de Damien Rabrich et Lucian Gaudion. Si. Qu'on fait donc ce reportage et organiser cette Coupe du Monde en or de babyfoot de Marseille. Qui se déroulait à l'Embobineuse. À l'Embobineuse, ici même à Marseille, donc. Au stade Anal, je crois. Au stade Anal, exactement. Et le montage, ils ont été aidés par une des connaissances de Débattons d'Anguirou, puisqu'il s'agit de Seb dit le Gitan, qui était venu faire la régie pour une de nos émissions. Quand Shérif était en vacances en RTT, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Exactement. Donc on va lancer ce reportage, une bonne fois pour toutes. Et on se quitte, Magic. Magic nous a rejoint dans les studios. Alors là, c'est la magie de Magic. Et on va lancer ce reportage et on vous dit bonne nuit à tous et à la rentrée de septembre. Bonsoir. Merci. Bonne nuit. C'est parti. Bravo. Allez, allez. Nous sommes à 14-0, demi. Vanny, sous le Mabi, si vous êtes. J'ai l'impression que les mouches ont changé d'âme. Valérie. Pour l'instant, on voit du beau baby football. Il va falloir aller à la pêche, hein, j'ai l'impression, pour que. Oh, oh là là. Oh là là là là. Oh, poteau. Oh, il y a des poteaux. Elle est bien belle, non? Allez, allez là. Allez là, Damien, allez. Oh la vache! Oh Lucien! Oh, oh la vache! Alors allez à la pêche, Charlotte, c'est quand on marque un but, oui, et donc qu'on est assez vif, oui, pour récupérer la balle dans la cage avant qu'elle ne tombe dans l'entonnoir. Une grosse pichette! Alors qu'une pichette. Oh la la la! Le gamélan. Ouais, je comprends pas pourquoi ils l'ont sélectionné. Je pense qu'il n'était pas quand même au top de sa forme pour jouer une compétition telle que celle-là. Oh là, ça tripote à l'avant. Ça tripote. Oui, oh là là. On laisse pas faire. Balle lobée. Et peut-être qu'à coup, demi, ils vont pouvoir renverser la table. Quel bon mot. Mais attention. Oh là là, le trini. Le trini. Oh là là, on la trappe. Ça joue la bande. Il a joué la bande. Ça l'a pas payé. Et c'est récupéré à l'avant. Non, ça repart de l'arrière. Alors qu'un supporter tout nu traverse le stade. Un striker, comme on les appelle. Romain, remettez votre pantalon, s'il vous plaît. Allez, allez. Peut-être le moment de faire un point sur le nombre de balles en jeu. Voilà, attention, balle. Oh, voilà. Les Quichuans, bien failli manger la feuille de match sur cette occasion. Il faut quand même reconnaître que Chouchou s'avère être un fameux Joe La Finesse dans cette partie. Vous êtes prêts, les concepts ? Sport de tonnerre ! Ah, ouais. Ouh, il y a une bière qui vient d'arriver sur le terrain. J'ai envie de dire que bière qui roule n'amasse pas mousse, mon cher Damien. Attention, Chouchou à l'attaque. Il met son nez en avant. Score à zéro et c'est la balle de une match. Une balle pour un but, une balle pour la qualif. Les pauvres jouent en rouge ou pas ? Non, les Pau Rouges jouent en bleu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Eh bien, je crois qu'on a affaire pour autant au match le plus ennuyeux depuis le début de ce tournoi. Il ne se passe strictement rien. Nous, souvenons-nous. Et on peut dire que malgré les pétrodollars, ils n'ont pas su relever le défi. Vous mentionnez les pétrodollars, vous oubliez les valises. Oui, les valises. Les valises. Mais bon. On se croirait au golf, non ? Hein ? Oui, mais avec des cocktails en moins, si je puis dire. Hein ? Ah, quel cow-boy! Bah, je crois que... C'est mou ça! Les jambières sont remontées et ça repart à l'attaque! Aïe. On sent que c'est travaillé à l'entraînement ça! Décontracté au moment de la frappe, l'angle est bon. Il y a peut-être un point de règlement qui pourrait nous autoriser à les éliminer tous les deux du tournoi. Si jamais un mauvais geste. Il venait à casser une balle. Ouais. Oh là là! Le but qui vient d'où? Le but qui vient de l'arrière! Et un but qui vient de l'arrière, ça fait un but! Eh oui, mais ça vient de l'arrière! Eh oui! Alors une femme à poil c'est cool, une femme à poil c'est chouette, mais en baby-foot ça ne fait pas but. Voilà. Ah écoute. Lucien à l'arrière, Damien à l'attaque, on va voir ce que ça donne. Oula, oh, yeah. La roulette russe. Un faux arbitre alors qu'un faux arbitre fait son attaque. C'est qui Rebecca? Oh là là là là là là là. C'est la réponse du berger à la bergère. Oh là là. Une diagonale du... La diagonale du plaisir l'appelle-t-on chez les Black Panthers. Deux balles messieurs, deux balles. Oh là là là là là là, c'est beau. C'est très beau, c'est très beau. Une frappe limpide de l'arrière permet aux Black Panthers finalement de l'emporter. Oui, alors c'est pour répondre à la question tout à l'heure. Je pense que Lucien a fumé sa première cigarette en 1987. Monsieur Lucien Gaudion, une question donc qui permettrait de gagner une Laguna et un tour de scooter à Pointe-Rouge. Quand avez-vous fumé votre première cigarette alors ? Réponse petit A en 1932, réponse petit B en 1987, réponse petit C en 2000. 87. J'ai gagné. Et pour l'instant c'est bien parti puisque El Rouli, l'homme au crochet d'or, et non pas l'homme au crochet magique parce qu'on sait qui c'est l'homme au crochet magique. c'est Abdelkarim Magic Jouima qui n'est pas là ce soir, vient d'ouvrir le score pour les peaux rouges. Mais les Black Pantouses tentent des trucs. Les Black Pantouses tentent des figures. Et c'est Damien qui à l'attaque va tenter de porter l'estocade. Ah merde ! Égalisation sur une frappe limpide. Une frappe à la Brandao quasiment de volée. Bravo les gars, 1-1. Il va falloir pécho, il va falloir pêcher. Il va falloir que Lucien y mette les mains. Et ça, ça va pas être beau à voir, mais... Ouais, après, ouais. Les peaux rouges sont donc les grands vainqueurs de cette Coupe du Monde en or de Baby Foot, la première du nom. Deuxième, les guides rutes. Les guides rutes Globetrotter. Troisième, les... Ça, c'est la... Alors, c'est pas pour les deuxièmes, ça ? Ah ben, bravo ! Rémi, on a gagné la grande coupe parce qu'on est deuxième. À vous, les studios. Quand on entend Wagner, on a envie d'envahir la Pologne. Tannhäuser.